France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 128. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 14 septembre 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es un brave ouvrier de chez Renault, ou casse-toi tu pues, tu es Raymond Domenech ou les mésaventures de Raspoutine, tu es président de la République laïque, ou Léon Morin prêtre, tu es Delanoë face à Martine Aubry au PS, ou Delalouze face au bris de l'essence à la pompe, et tu es aussi visite apostolique, ou... Oui, vous devez être très heureux de cette visite, hein ? Oui, maman, elle est comme une dingue, hein ? Benoît, je t'aime ! Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Alors, selon les rigoureux principes de notre sainte trinité, à savoir l'allégresse, l'extase potache et le joda Saint-Esprit, le Mangin Palace te propose dorénavant, durant 53 minutes, d'organiser ici tous les dimanches matins un beau barnum burlesque autour des actualités du monde extérieur. Notre sacerdoce consiste toujours à travestir la réalité afin de t'offrir autant que possible un diaporama sonore modeste et déjanté contre le triomphe de la morosité. Ainsi, laisse-nous te présenter la petite liturgie de notre joyeuse cérémonie. Pour commencer, des messieurs de Royan à Mademoiselle Edwige, nous te proposerons une petite relecture frappadingue des actualités politiques de la semaine. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons combien les fantômes de Lina se crêpent le chignon à l'occasion du Salon mondial de la coiffure qui se tient à Paname ce week-end. Et puis, nous te dévoilerons comment Monique et Jean-Claude se sont précipités à Lourdes hier après-midi dans l'espoir d'intercepter le vicaire du Christ. Et juste après, nous retrouverons notre petit reportage Made in Panic, consacré cette semaine à un drôle d'endroit pour une rencontre, à un lieu devenu très luxueux, figure-toi. Et enfin, peu avant midi, notre petit kiosque t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et lourde tes angoisses. Stop and settle down. Born to be alive, c'était l'évangile selon Patrick Hernandez, authentique soupape, mais bien mieux que l'autre pour le salut de notre âme. Alors, ce matin, comme d'habitude désormais, la panique au Mangin Palace t'accueille avec bienveillance par un petit clip sonore frappadingue, réalisé en collaboration avec M. Yvan Beaugelet, fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous cherchons à décrypter les mystères cachés des petites phrases de la semaine. Vois-tu, à l'heure où le Saint-Père squatte la scène, figure-toi que le Mangin Palace entend des voix. Allez, en route maestro, voici pour toi le message subliminal des discours de ces derniers jours. La fin de l'université d'été de l'UMP à Royan. Depuis vendredi, tous les ténors du parti majoritaire ont tenu à faire passer un message d'unité et de remobilisation. Chaque fois que le président est attaqué, il faut se tenir droit à ses côtés. Oui, ça va. Ah, mais tu me crois? Oui, je te crois. Fais tourner le moteur. François Fillon, il peut être frimeur, a défendu les réformes du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement est injustement dénigré, il faut riposter. Tu dis pas ça en l'air, hein? Tu me crois? Oui, je te crois, on se barre. Parce que mes amis, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Bon, bah c'est noté, tu me crois? Oui, je te crois. Ouais, tu fais bien parce que je sais ce que je dis. Jusqu'à maintenant, Edwige cristallisait la colère de l'opposition. Cette fois, il crée la discorde au sein même du gouvernement avec Hervé Morin, qui certes est chef de parti, mais aussi ministre. Est-ce qu'il est utile de ficher les personnes jouant un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif? N'y a-t-il pas là un curieux mélange des genres? Il faut réfléchir. C'est une question de liberté d'expression et de censure. Est-ce qu'on joue à la balle? Ouais! Stratégie du chiffon rouge, estiment les autres membres du gouvernement, surtout Michel Alliomari qui ne décolère pas. En quelque cause, la Pinocchio, ils ont dit que t'as appris à causer comme ça. Oh! Mets ta flèche, bonhomme, et tu vas. Il n'y a plus qu'à. Hier, le président Medvedev a rencontré Nicolas Sarkozy à Moscou et s'est engagé à retirer complètement ses troupes de Géorgie d'ici un mois. Ça montre bien que quand l'Europe veut, elle peut être un facteur de paix. Elle peut jouer un rôle, y compris dans des régions où on n'imaginait pas qu'elle puisse jouer ce rôle. Oh, oh là là, tu m'as flanqué une de ces trouilles. C'est ce coup-là, tu les tues pas, tu les achèves à la laine. Il est donc reparti en croisade hier contre le Crédit Lyonnais. 4 heures d'audition pour Bernard Tapie devant la commission des finances de l'Assemblée. Et l'ex-homme d'affaires, ex-ministre et maintenant acteur, a justifié le bien fondé de la décision du tribunal arbitral qui lui a octroyé une indemnisation record de 285 millions d'euros. Oh, 285 millions, dont 45 au titre de préjudice moral. Parce que mon nom est devenu une injure publique, c'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Ai-je uriné sur votre tapis? Je ne comprends pas, monsieur. À chaque fois que le tapis est souillé quelque part dans cette belle cité, ce serait à moi de dédommager son propriétaire. Vous cherchez quelques miettes à grappiller comme les autres. La polémique autour du très controversé fichier Edwige continue de plus belle. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, critiquait ce qu'il a appelé le curieux mélange des genres. Et cet après-midi, c'est François Fillon lui-même qui a recadré son ministre. Je ne veux pas entendre un mot. Ceux qui aujourd'hui s'étonnent sont en réalité des hypocrites. Bon, quant aux propos du ministre de la Défense, je pense qu'il n'est pas nécessaire de créer des suspicions là où elles n'existent pas, et j'ai eu l'occasion de lui dire. Plantez-vous sur ce canapé, les plantes, ça s'écrase. Dès son retour de Géorgie hier, Nicolas Sarkozy a convoqué une réunion à l'Élysée, l'objectif étant bien sûr de désamorcer ce qu'un conseiller du chef de l'État a qualifié de crise. Oh nom de Dieu, mais c'est quoi cette odeur? Putain, ça schlingue! Oui, ça schlingue. La récession te guette au coin du bois. Et la République s'apprête à dézinguer les vertus de Marianne pour lui préférer les lugubres auspices d'Edwige. D'ailleurs, arrêtons-nous quelques instants sur les derniers rebondissements de cet effroyable projet digne d'un petit régime dictatorial. Ainsi, tu sais que lundi dernier, Nicolas Sarkozy était en visite à Moscou pour tenter de faire progresser un peu le délicat dossier géorgien. Et après une énième mascarade des Russes, Nicolas Sarkozy s'apprêtait à regagner Paris quand soudain, Vladimir Poutine, sur le perron du Kremlin, lui glissa ces quelques mots. Notre service renseignement est le meilleur qui soit au monde. Et nous savions qui vous étiez avant même que vous soyez parti. Mais nous n'avons de secret pour personne. Dites-le au pape. Dites-lui que ce n'est pas si terrible que ça chez nous. Dites-lui de venir nous voir. Bon voyage. Oui, ancien officier supérieur du FSB, ex-KGB, question contrôle de la société, Poutine est un redoutable expert. Il est informé de tout et ses fiches de renseignement sont perpétuellement mises à jour. Conscient de l'efficacité d'un tel pouvoir, dès son retour à l'Élysée lundi soir, Nicolas Sarkozy vérifia l'état de ses fiches à lui. Balladur, Edouard, Sharif Omar, Saddam Hussein, Kurt Waldheim, George Bush, Jim Jarmusch, Kalashnikov, Veznamitov, Arafat, Woody Jumblat, Bezalel, Giscard d'Estaing, Shevardnadze, Rachid Karameh, Deng Xiaoping, Lionel Jospin, Aminadá, Bokassar, Umtaziev, Gorbachev. Bien sûr, Nicolas Sarkozy s'aperçut très vite que son fichier était un peu naze et réellement obsolète. Il fallait impérativement accélérer la mise en place d'Edwige afin de contrôler totalement la société française. Eh ben oui, rien de mieux par exemple pour négocier avec un syndicaliste énervé que de le menacer de révéler à son entourage sa discrète homosexualité. En général, tu calmes tout le monde avec ça. Oui, sauf que voilà... Quelques foutus indisciplinés sont venus gripper la machine, tel Hervé Morin, ministre de la Défense, pour qui Edwige, c'est bien joli, mais en gros, c'est toujours la même chose. Péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, hostie Vatican, Jean-Marie, Mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Oui, Edwige, c'est un joli nom, mais c'est bien dégueulasse. Ainsi, acculé par l'opinion publique, Nicolas Sarkozy n'a eu d'autre choix cette semaine que d'émettre certaines réserves sur ce fichier. Néanmoins, en sous-main, il a chargé Michel Alliot-Marie de juguler ce trublion d'Hervé Morin. Moi, je suis ravie d'apprendre que M. Morin se pose des questions. La question que moi, je me pose, c'est comment il se fait que depuis le 1er juillet, il n'ait pas réussi à trouver mon numéro de téléphone pour me demander ce qu'il en était. J'aurais rassuré. Dans cette nouvelle ambiance Big Brother, Hervé Morin a immédiatement saisi le sens subliminal de ce petit message personnel. Traduction, appelle-moi Fissa ou sinon tu vas faire un joli stage en hôpital psychiatrique. Très vite donc, M. Morin a pris rendez-vous au ministère de l'Intérieur où il était très attendu jeudi soir. On vous attend. Vous ne me voyez pas ? Non, monsieur. Vous voulez ma carte de service ? C'est inutile, monsieur. Je pourrais mentir ? Bien sûr que non, monsieur. Ici, c'est le bureau du recoupement. L'ascenseur est arrivé, monsieur. Une fois dans le bureau de Michel Alliot-Marie, Hervé Morin tenta d'amadouer du mieux qu'il put la mère d'Edwige, la patronne des redoutables services de renseignement. Je vous prie de m'excuser si j'ai été... Quoi ? Je ne vous prends pas pour une demeurée. Je ne prétends pas nier qu'il y a une certaine part de ridicule en vous. Et vous êtes d'une nullité épouvantable quand vous parlez en public. Et vous avez tendance à laisser tout ce qui vous passe par la tête sortir de votre bouche, sans beaucoup vous préoccuper des conséquences. Toujours est-il que ce que je m'efforce de vous dire, d'une façon très confuse, c'est que, à vrai dire, malgré ce que les apparences peuvent laisser croire, c'est un fait. Je vous aime beaucoup. Oh, mis à part que je fume pas mal, que je bois autant, que j'ai une diarrhée verbale. Non, je veux dire que je vous aime beaucoup, tel que vous êtes. Certes, mercredi matin, M. Morin fut un peu maladroit devant la mère d'Edwige pour s'excuser. Mais bon, Michel Alliot-Marie ne comprend pas toujours tout non plus. Quoi qu'il en soit, elle avait pour mission d'expliquer en détail au ministre de la Défense dans quel monde nous vivons désormais et ce que sont réellement devenus aujourd'hui les membres du gouvernement Fillon. Depuis que l'homme possède la technologie, il a réalisé la plupart de ses désirs. Ce serait même presque instinctif chez lui. Nous, par exemple, nous sommes le nec plus ultra du métabolisme contrôlé. Cerveau boosté, corps cybernétique. C'était tout récemment de la science-fiction. Qu'importe si on ne peut pas survivre sans une maintenance régulière et complexe. On n'a pas à se plaindre. Ces mises au point sont le prix à payer pour tout ça. Mais si l'on décide de démissionner, il faudra restituer nos corps de cyborg. Et là, il ne nous restera pas grand-chose. Eh oui, Monsieur Morin venait de comprendre. S'il poursuivait à désinguer le fichier Edwige sur la place publique, il serait aussitôt remisé à la casse sans aucun ménagement. Conscient du risque qu'il avait pris à ouvrir son clapet, Hervé Morin chercha à savoir ce qu'il pouvait faire pour s'amender. Roublarde, Michel Alliomari tenta de profiter de cette situation de faiblesse. Bon ben, pour se faire pardonner, pensa Hervé Morin, ok, pourquoi pas une petite virée alors. Oui, enfin, ne risquaient-ils pas tous les deux de voir leurs petites fiches individuelles edvigiennes complétées d'une annotation de badinage immoral? Ça ferait tâche, tout de même. Mais bien sûr que non, lui rétorqua Michel Alliomari. Edwige n'est conçue que pour contrôler ceux qui peuvent nuire à l'ordre public. En gros, ceux qui ne pensent pas comme nous, les étudiants, les syndicalistes, les membres de l'opposition et les adhérents aux associations gauchistes. Comme ça, dès qu'ils l'ouvrent, on les menace. C'est le but. Monsieur Morin venait enfin de saisir la véritable essence d'Edwige. Matricule 93-HKS-608, vous êtes accusé des faits suivants. Aide et assistance apportée aux ennemis de la société. Assistance à une fugitive réclamée par la justice. Divulgation de divers documents secrets à agents subversifs, voire dossier G12. Destruction de matériel officiel décrit comme étant un nombre indéterminé de véhicules personnels. Appropriation des véhicules officiels. Résistance aux forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission. Diffamation du gouvernement et notamment de la réputation exemplaire et chantage du bureau de recoupement des informations. Tentative de démantèlement du système de communication par voie interne du bureau de recoupement. Gaspillage de la patience du ministère et du papier à lettres. Vendredi matin, Michel Alliomari informa Nicolas Sarkozy qu'elle avait enfin amadoué Hervé Morin et qu'il pouvait ainsi poursuivre discrètement la mise en place d'Edwige. Monsieur Sarkozy fut bien soulagé. Puis il fonça immédiatement à l'aéroport d'Orly accueillir un autre spécialiste de l'opacité étatique. Levons les yeux, levons les mains. Jusqu'aux cieux, Jésus vient. Levons les yeux, levons les mains. Jusqu'aux cieux, Jésus vient. Eh oui, c'est vrai que devant Ben Sixteen, Monsieur Sarkozy a souvent tendance à oublier que dans notre République, il est le garant de la laïcité. C'est vrai qu'en ce moment, franchement, il y a des hauts et des bas, de drôles de débats et surtout de la démago. Il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts, il y a des hauts, des hauts. Et la France d'en bas, et la France d'en haut, celle dit des bourgeois, celle dit des prolos. Il y a les petits fils à papa. Ici bas où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts, de drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis toi et moi, le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la win. perdu dans la foule, t'es réfugié dans le son, ma chenouf, ma gamme, ma plus c'est l'addiction. Et voici que me voilà, où me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler tout ça, quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans l'eau. Le Rodéo Boulevard, c'est celui que traverse au soleil de Cergy le troubadour à Nice. Alors qu'à Nice, c'est sur la promenade des Anglais que tu rodéo, clair de lune. Alors, après les actualités politiques, découvrons dès à présent à 11h27 le sujet de notre nouvelle rubrique intitulée « Le Bernard l'Ermite, étrange chronique » orchestrée par Flora Bernard. Planqué dans une boîte d'archives en guise de coquille, un Bernard l'Ermite assiste au débat des voix du passé sur l'actualité lorsqu'il n'y a plus personne dans les sous-sols obscurs et silencieux de l'INA. Cette semaine, à l'occasion de l'indispensable Salon mondial de la coiffure et de la beauté qui se tient à Paris ce week-end, les fantômes de l'INA se sont crêpés le chignon. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut national de l'audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Tout a commencé par un bavardage inoffensif au sujet du salon de la coiffure. Quelle serait la coupe à la mode en 2009 ? Les prévisions allaient bon train. Coupe au bol ou carré plongeon ? Queue de cheval ou chignon choucroute ? Tout se passait dans une ambiance bon enfant, jusqu'à ce que le prince de la haute coiffure, Alexandre de Paris, fasse taire les autres voix pour annoncer un bouleversement majeur dans l'univers capillaire. Oui, cette année, c'est le grand triomphe de l'arrêt au milieu, parce qu'on on s'était un peu moqué de l'arrêt au milieu. De l'arrêt de mon coin ? De l'arrêt de mon crâne. On disait que ça vieillissait ou que c'était devenu banal. Et cette année, au contraire, on a donné une grande gaieté à l'arrêt au milieu. Une friction comme ça, tout de suite, pas de coupe, pas d'ondulation ? Non, non, je ne viens pour la friction. J'aime ça quand vous me passez les doigts dans les cheveux. Ça me fait le même effet qu'à ma vieille chatte quand je lui gratte le crâne. Choqué par tant de vulgarité, René Rambaud, l'inventeur de l'ondulation permanente, a tenté de relever un peu le niveau de la discussion. Comment nous y prenons-nous pour nous remémorer un personnage de l'histoire ? Naturellement par les coiffures qui les ont caractérisées. Ainsi, l'histoire de l'Égypte nous revient en renvoyant devant nos yeux et l'image de Cléopâtre et l'expression de ses perruques. Si toutes ces femmes n'avaient pas été bien coiffées, elles n'auraient pas concrétisé et immortalisé, souvent, ni elles-mêmes, ni leur temps. Croyant qu'on parlait d'elle, Chantal Goya a tenu à témoigner. Je peux pas changer de coupe parce qu'il y a le problème que moi j'ai des cheveux très fins. Donc moi je demande tout le temps de dégrader, de couper, d'avoir les cheveux. Au bout d'un moment ça va pas, on vous laisse pousser au carré. Non, mais c'est ça pas va, Chantal ça. Goya, c'était quelqu'un voilà, d'autre. Voilà, ouais, ça me dit toujours la même phrase. Même si j'ai envie de changer de tête et pas rester spécialement Chantal Goya. Mais j'ai bien envie des fois d'être n'importe qui. Hein. Et bizarrement, c'est Georges Brassens qui lui a répondu. Je me rappelle, j'avais les cheveux longs, moi quand ça ne se faisait pas, tout le monde se payait ma tête. Je faisais peur. Alors on disait que j'étais sale, que j'étais plein de poux. J'avais presque l'air aux yeux d'un calico, j'avais l'air d'un clodo, quoi. En fait, Brassens, de mèche avec les rebelles, venait d'ouvrir le feu. Les slogans anti-coiffeurs fusaient de toutes parts. Mise en pli égale tyrannie. Non à la dictature de l'arrêt au milieu. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut avec ses cheveux. Évidemment, en tous les cas, le problème de l'argent intervient. On ne peut plus dire désormais que l'ouvrière de nos villes manque totalement de goût, ce n'est pas ça que je veux dire. Elle aimerait certainement, cette femme, se faire laver la tête plus souvent, se faire mettre en plis, coiffer, mais elle ne le peut pas. Selon certaines sources, les beaux quartiers étaient pris d'assaut. Pour Madeleine Blomet, ce n'était pas une révolte, mais une révolution. Figurez-vous qu'hier, les Champs-Élysées étaient en révolution. Si vos pas vous emportaient vers les 5 heures du côté du rond-point, eh bien vous avez pu voir Martine Carole, Simone Renan, Blanchette Brunois, Annette Poivre, Edwige Feuillère, Odile Versoix, et chose extraordinaire, toutes ces dames venaient manifester contre les cheveux courts. Elles n'en veulent plus. Ainsi, déviées vers les Champs-Élysées, l'attaque du salon de la coiffure n'aura pas lieu. Mais le chef des mèches rebelles, un certain Desproges, court toujours. Comme le pou, le coiffeur est un parasite du cheveu. Non mais vous les avez vus, les coiffeurs, Faubourg Saint-Honoré ou sur les Champs-Élysées, qui s'habillent en cosmonaute pour couper les cheveux des gens, ça va pas, non? C'est aussi con que d'aller sur la Lune avec un peigne derrière l'oreille. Merci Flora Bernard pour cette chronique bien dégagée derrière les oreilles. Un hommage appuyé au coiffeur pour dames qui manie si bien le fer à friser et le fernandelle, bien sûr. Alors passons dès à présent à notre mise en pli suivante, consacrée au bulletin des actualités locales. Voici notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, à 11h32, en effet, il est temps de découvrir la bien étrange aventure que viennent de vivre notre amical Jean-Claude et sa monacale Monique, qui ont été confrontés cette semaine au drame du pouvoir d'achat en ces temps difficiles de rentrée scolaire et de paiement du troisième tiers. Ainsi, mercredi dernier, Jean-Claude a convoqué un conseil de famille extraordinaire afin d'expliquer à sa fille Elsa et à son fils Rémi que la situation financière de la Smala est au plus mal et que cette année, il faudra faire des sacrifices. Elsa et Rémi disent que le plus simple, c'est de prier Dieu pour que tout s'arrange, grâce à l'Église. Oui, enfin, Jean-Claude argumente. Oh, elle a fait de merveilleuses choses en son temps, notre Église. Elle a préservé la grandeur et le mystère de l'Église de Rome, le caractère sacré des sacrements, l'unité indivisible de la Sainte Trinité. Mais si j'avais pu mettre un de ces petits chapeaux en caoutchouc sur ma queue, on serait pas dans la mouise jusqu'au cou. Vous voyez mon problème, les enfants. Je suis dans l'incapacité de vous garder sous mon toit. Plus fort ! Je suis dans l'incapacité de vous garder sous mon toit. Dieu nous a bénis à tel point que nous crevons tous de faim. Et si on ne coupait les couilles ? Oh, c'est pas si simple que ça. Dieu sait tout. Il découvrirait la supercherie. Ce que nous nous faisons à nous-mêmes, on le lui fait à lui. Ah non, hein ? Pas question de couper les... Adieu, hurle Monique, qui refuse également d'abandonner ses enfants. Elle exige que Jean-Claude trouve très vite une autre solution. C'est ainsi que ce valeureux père de famille qu'est Jean-Claude expose son plan pour sauver la famille de la faillite. Pour se faire de la thune, il faut absolument profiter de la bigoterie ambiante et tenter de conquérir de nouveaux marchés. Ah, ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté aux vêpres, porté le cilice, et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net. Encore Net, le déodorant de la bonne sœur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Monique, Elsa et Rémi sont morts de rire à cette idée saugrenue de Jean-Claude. Jamais il réussira à trouver une clientèle pour ses produits pourris, là. Sauf que voilà, Jean-Claude a un plan infaillible. Si sa fille Elsa arrive à faire gober qu'elle a des visions et qu'elle entend des voix, les gogos viendront en masse acheter sa camelote. Mais Elsa n'est pas très enthousiaste. Pourtant, c'est vrai, parfois, elle a déjà entendu des voix, mais c'est des trucs complètement cons. Eh bien voilà, l'aventure se termine. La voix va se taire. C'est tout. Pour cette année. C'est fini et c'est tant mieux, s'écrie Jean-Claude, qui explique tout de suite à Elsa qu'elle a juste besoin de faire semblant d'avoir des visions et d'entendre des voix quand elle sera devant les prêtres du bureau de vérification des miracles du diocèse de Lourdes. Jean-Claude, qui a le projet fou de réussir à faire croire que sa fille a des visions et entend des voix divines, se retrouve donc à Lourdes au bureau des vérifications des miracles chargé d'interroger Elsa, qui expose les manifestations des miracles. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Je me donnais la foi, brûle au fond de moi. J'ai... Devant le délire mystique d'Elsa, les prêtres du bureau de vérification des miracles du diocèse de Lourdes restent très sceptiques. Est-ce que vous avez l'intention d'aller à la grotte ainsi chaque matin ? Oui, monsieur. J'ai promis d'y aller pendant 15 jours. Mais on vous a dit que votre vision était un rêve, une illusion, qu'il ne fallait pas s'arrêter à ça. Il y a beaucoup de personnes qui soupçonnent que vous et vos parents pourriez bien vouloir exploiter la crédulité publique. Je pourrais le supposer moi-même. Je ne dois pas vous dissimuler que si vous n'êtes pas sincère dans vos récits d'apparition, et que si vous et vos parents en retiriez quelques profits, vous vous exposeriez à des poursuites judiciaires et à des condamnations pour escroquerie. Je n'attends aucun profit en cette vie. Je n'attends aucun profit en cette vie. Cette déclaration d'Elsa ne semble pas vraiment convaincre les prêtres chargés d'authentifier le soi-disant miracle. Elsa repart donc dépitée dans sa grotte, pendant que Monique, prête à tout, tente d'amadouer les curés. Oh, je prie pour vous. Alors priez pour moi, monsieur l'abbé. Si un jour vous vous mariez, enfin, si le pape vous y autorise, je me mets sur les rangs comme candidate. Nous prierons ensemble. C'est gentil, madame, je serai flattée. Oh, j'ai toujours rêvé d'être la femme d'un pasteur. Mais hélas, le Seigneur en a décidé autrement. Les pasteurs ont bien de la chance. Oh, mais qui c'est qui voudrait d'une femme comme moi, si ce n'est un prêtre? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je dis? Je devrais déjà être à confesse. Votre cœur a parlé, madame. Votre corps parle aussi. Oh là là, oh, mon corps, il parle depuis très, très, très longtemps. J'avais remarqué, madame. Effectivement, Monique est prête à faire parler son corps pour obtenir la reconnaissance du miracle d'Elsa. De son côté, Jean-Claude n'a pas chômé et a organisé une procession en l'honneur d'Elsa. Le cortège se forme. L'évêque va conduire la procession jusqu'à la grotte miraculeuse. Nous vous recommandons la rigueur et la discipline. Vous avez bien compris, mes frères, mes sœurs, les fauteuils d'abord, les valides après. La gloire du Seigneur est sur nous. Allez, on forme les rangs. Tout le monde a son cierge? Allez! Quand Monique entend cette annonce de Jean-Claude qui lance la procession, elle se dit que décidément, Lourdes, ça ressemble beaucoup à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Toute cette agitation n'est pas sans conséquence, puisqu'elle attire l'attention de la garde pontificale qui n'a qu'une crainte, que le miracle d'Elsa détourne les fidèles de la star du jour, Benoît XVI, en visite à Lourdes. C'est ainsi que le pape a accepté de recevoir Elsa pour une audience privée, en présence de Jean-Claude, bien sûr. Mais Ben Sixtine a l'air un peu palichon, voire ronchon, alors Jean-Claude cherche à lui donner des couleurs et de la vigueur. J'ai quelque chose qui va t'apaiser parce que t'es complètement défoncé. Tiens, avale ça, mec, ça va te remettre sur pied. Dis-moi ce que c'est. Avale. Oh. Eh ben non, avale pas. Comment ? Ah oui, mais sauf que voilà, Benoît XVI a tout avalé, ce que Jean-Claude lui a donné. Et la conséquence immédiate, c'est que le pape a retrouvé toute la vigueur de sa jeunesse bavaroise. Et pour savoir s'il doit reconnaître le miracle d'Elsa, Benoît XVI fait jouer la concurrence. Ne me repousse pas, car sans toi, je ne saurais pas où aller. Ne me repousse pas, car sinon j'irai aimer les autres pour t'oublier. Eh oui, il n'y a pas qu'à Lourdes que les apparitions font sensation. Fatima, la rue du Bac ou l'île Bouchard peuvent très bien remplacer les apparitions de Massabielle. C'est ainsi que, sans doute grâce à l'intercession de Bernadette, un miracle a eu lieu hier à Lourdes. Le pape Benoît XVI a eu une apparition mariale incroyable. Salut Benoît. Salut. Fun, cette visite de Ben Sixtine en France, lui qui va pouvoir rentrer dans son palais romain avec plein de belles images en tête et surtout le souvenir d'une apparition mariale ambiguë et en bigorre, mais qui doit s'attendre après la mer à avoir des nouvelles du fiston. Même si tu ne m'entends pas, je dois te parler. Pour quoi sembles-tu laisser le monde t'échapper? Israël, année zéro, c'est l'obscurité. Pourquoi choisir un désert pour venir prêcher? Tu pardonnes tout, Marie-Madeleine pourrait le dire. Pourquoi devrais-je aimer par devoir et non pas par plaisir? 2000 ans après, non rien n'a changé. On montre du doigt, on montre du doigt. Je ne doute pas, mais ne comprends pas. Ne nous oublie pas. Que pensais-tu? Bouddha ou bien Mahomet, dis, qui préférais-tu? Ont-ils fait ce qu'ils ont fait, ou bien ce n'était que de la publicité comme ces bruits de clocher? Et ta mort désespérante, l'avais-tu choisie? Voulais-tu frapper les hommes pour qu'ils sortent enfin de leur nuit? 2000 ans après, rien n'a changé. On montre du doigt. Je ne doute pas, mais ne comprends pas. Ne nous oublie pas, ne nous oublie pas. Jésus-Christ Superstar, c'est la rentrée fracassante de Claude François dans sa quatrième saison au Mangin Palace. Bon, Superstar Jésus, pourquoi pas? Mais post-mortem, car de son vivant bon sang, le Fils de Dieu fut avant tout l'incarnation de l'humilité parmi les humbles. Que penserait-il de ce pop star qui nous rend visite? Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h44, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panique consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. À nos yeux, il est impératif de te faire rêver face au triomphe de cette morosité économique qui gangrène ton portefeuille. Et cette semaine, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé traîner ses guêtres dans ce qui est en train de devenir un authentique carré VIP. Découvrons cet endroit select juste après la virgule. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Le secteur automobile traverse une passe difficile. Les ventes de voitures neuves en France ont reculé de plus de 7% le mois dernier. Renault devrait annoncer la suppression de 4000 emplois dans notre pays. Plusieurs facteurs se conjuguent, le prix du carburant, le pouvoir d'achat en berne, et puis les taxes écologiques. C'est quoi les prix aujourd'hui, patron? Le gazole est à 1,429, le 95 1,539 et le 98 est à 1,588. Qu'est-ce qui marche le mieux comme produit dans votre boutique de luxe? Le 95, le super 95. C'est pas magnifique. Il me semble que rien de désagréable ne peut arriver dans un magasin de ce genre. Bonjour, vous avez choisi quoi? Gazole. Pourquoi? Bah parce que ça, ma voiture roule au gazole. Bonjour monsieur, c'est pour vous ou c'est pour offrir? C'est pour moi. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Bonjour, est-ce que c'est bien raisonnable ce que vous êtes en train de faire? Faire le plein, on est bien obligé. Malheureusement, il faut bien que je mette de l'essence, sinon j'ai plus de voiture quoi. D'accord. Sinon je peux prendre les transports en commun. Ou le Vélib? Ou le Vélib? Non. Non. J'attendrai. Non, je vais vous acheter un petit quelque chose. Ça doit consommer énormément, une grosse voiture comme ça. En fait, je m'en sers pas beaucoup. Hein. Donc, ça consomme un plein tous les 5-6 semaines. Un plein à combien? 100 et des grosses brouettes. En toute franchise, je crois nécessaire de vous expliquer qu'il existe aussi un autre problème d'ordre financier. Nous pouvons nous permettre de dépenser qu'une somme limitée. Puis-je connaître ses limites? 10 dollars. 10 dollars. Somme que nous ne pourrons pas dépasser, hélas. Tu as une voiture, donc tu le sais, l'essence est de plus en plus chère. Et du coup, que faire? De toute façon, ça continue comme ça, ben, il va falloir faire comme tout le monde et recourir à... au transport en commun. Ouais, ou au Vélib. Au Vélib, transport en commun. Mais ce qui est pas mal pour l'écologie aussi. Ouais, ça serait bien. Pourquoi ce qui va sauver le monde, c'est plus l'essence chère, en fait. Franchement, là, c'est trop cher. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule. Et je suis pas le seul. En fait, moi j'ai une voiture et un scooter, mais j'ai acheté un scooter il y a pas longtemps, exactement pour faire des économies en fait. Est-ce que vous avez l'impression d'acheter un produit de luxe aujourd'hui quand vous achetez de l'essence? Ouais, carrément. Ouais, vraiment. Mais bon, je roule pas beaucoup, donc ça dure 6 semaines. Auriez-vous quelque chose pour 10 dollars? Eh bien franchement, madame, dans l'ordre de prix que vous m'indiquez, les possibilités sont assez limitées. Toutefois, je crois que nous pourrions avoir cet objet. C'est vraiment trop cher, là. Ça devient de la folie, hein. Vous en avez eu pour combien? 20 euros. Ah ouais, économie, hein. Ouais. Ouais, juste ce qu'il faut, quoi. En plus, c'est plus très à la mode, les gros 4x4. Aujourd'hui, vaudrait mieux une voiture hybride. Bah oui, mais en fait, j'ai 4 enfants. Et mon choix, c'est ou la 806 ou un 4x4. Alors, je préfère un 4x4. D'accord. Parce qu'il y a 7 places dedans. Donc, ça reste écologique par rapport au taux de fréquentation de la voiture. D'accord. Bon, on vous jettera pas de pierre, alors. Voilà. Quand je prends ma voiture, je sais très bien, c'est pour ça que je marche beaucoup, parce que je sais très bien que, voilà, que le plein, il va me coûter 70 euros, quoi. Le vélo, c'est parce que l'essence est trop chère? J'ai pas les moyens d'avoir une voiture. Ce qui est tant gentil, je vous le disais que c'est un merveilleux magasin. Aujourd'hui, tu l'as remarqué, le fuel, c'est luxe. On se croirait presque revenu à l'époque où l'automobile était réservée aux nantis. Madame la concierge, que pensez-vous des automobilistes, vos locataires? J'en ai dans ma maison quelques-uns qui ont des voitures, oui. Et ma foi, la semaine, ils ne sortent pas parce que leurs moyens ne leur permettent pas. Et le dimanche, jusqu'à 10h30, 11h, vous les voyez nettoyer, bien astiquer leur voiture. Et après, ils envoient un des plus grands enfants chez le marchand de couleurs chercher quelques litres d'essence à crédit, parce qu'ils n'ont pas d'argent, vous comprenez? Ah, madame la concierge, vous êtes impitoyable. Certes, les concierges sont impitoyables, mais moins que l'univers de Dallas ou celui des compagnies pétrolières, puisque, sache, depuis le début du mois de juillet, le prix du baril de pétrole a chuté de 22%, dis donc, pour passer sous la barre des 100 dollars, alors qu'à la pompe, eh ben toi, tu n'as rien vu ou presque. À peine 4 petits pourcents moins cher. C'est bizarre, non? Mais rassure-toi, le groupe Total, par exemple, continue d'engranger ses verres puisque ses bénéfices pour 2007 dépassent tranquillement les 12 milliards d'euros. C'est vrai que les actionnaires des multinationales ne connaissent aucun scrupule. Vos scrupules sont bons tout au plus pour de petites gens, des paysans, des artisans qui vivent confinés sur quelques coins de terroir. Ils ne peuvent avoir aucune largeur d'idées. Leur plus grand voyage, c'est pour aller jusqu'au bourg voisin. Et quand ils se marient, c'est pour épouser la fille de quelques compères du même cru. Leurs enfants, leurs petits-enfants n'auront jamais d'autre horizon. On comprend que ces gens-là se gargarisent du mot « nation ». Tenez, voulez-vous que je vous dise ce que c'est que leur nation? C'est la réunion de la canaille contre les gens de qualité. Clap Your Hands, frappe dans tes mains, c'est ce que nous recommande le collectif britannique The Herbalizer. Frappe dans tes mains parce que... Si tu veux faire des Parisiens, frappe dans tes mains. Si tu veux faire des Parisiens, frappe dans tes mains. Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. Alors maintenant, à 11h52, afin de compléter au mieux notre tour d'horizon de l'actualité, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Manchin Palace dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni et, afin de ne rien oublier d'essentiel, à l'actu de la semaine, Monsieur Mauduit se charge pour nous de lire la presse. Bonjour Mauduit. Bonjour Colin. Alors ouais, comme il se doit, j'ai lu la presse cette semaine, il n'y a pas de problème et... Philippe, la thématique qui se dégage, ouais. Une thématique évidente, c'est le coup de foudre. Coup de foudre, alors allons-y. Ah ben coup de foudre, déjà le premier, c'est celui qu'on a remarqué, c'est le coup de foudre entre Paris Match et la famille Sarkozy. Ah, ah bien sûr, alors là la Gazette Élysée n'en peut plus. Cette semaine, c'est 2 pages, même 4 en tout, réservées au grand blond, le fiston, Jean. Jean qui s'est marié, vous étiez au courant? Oui, Monseigneur le Dauphin. Eh bien, effectivement, alors, ils n'en parlent pas trop, tout ça. Ils ne parlent pas du mariage dans Paris Match, ça ne les intéresse pas. Non, eux, ce qui les intéresse, c'est de montrer que Jean Sarkozy, c'est un gars comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça fait un garçon de 22 ans? Ils disent, comme tous les gens de son âge, eh ben, il va au resto, il va au ciné, il joue à la console de jeux vidéo. C'est un peu naze, Philippe. Moi, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire quand on avait 22 ans aujourd'hui et j'ai trouvé le cas de Jessica Gallagher. Vous connaissez ? Je ne sais pas qui est Jessica Gallagher. Elle est formidable. C'est une athlète australienne de 22 ans qui vient d'être exclue des Jeux paralympiques au motif qu'elle n'était pas assez aveugle. Ça le fait. Ça fait. C'est intéressant, c'est mieux que ce que fait... Pas assez aveugle, à moitié aveugle. Alors, bon, côté aveuglement, c'est vrai que Paris Match se place là. Vous parliez du dauphin, effectivement. Tout l'article, il nous le présente comme le digne successeur de son père. On sent là le surhomme qui pointe. Donc... Oui, il arrive. Ah, ils nous préviennent. Attention à nous. Faut faire gaffe. Mais là où c'est intéressant, c'est cette petite phrase. Pour moi, Paris Match devient une revue rebelle. On y lit que Patrick Balkany, le maire de Levallois, son parrain. C'est pas vrai. Le parrain de Levallois. C'est pas vrai. Ouais, je pense que c'est une dénonciation directe par Paris Match. Ils se lâchent très très fort, Match, là. Ah oui, ils vont très loin. Donc voilà, le mariage de Jean Sarkozy, c'est une belle histoire d'amour, mais beaucoup moins belle que celle qui a imbibé tout l'été. Moi, j'ai suivi ça avec passion, la presse espagnole. Philippe, vous connaissez la Duchesse d'Albe ? Vaguement, je vois vaguement qui c'est, mais pas, vous allez nous en dire plus. Et Maria del Rosario, Cayetana, Alfonso, Victoria, Eugenia, Francisca, Fitz, James, Stuart et De Silva, c'est la record woman des titres. C'est la femme la plus titrée au monde. Elle est 7 fois duchesse, 18 fois marquise, 19 fois comtesse. Bon, elle est qu'une fois vicomtesse. Oh, c'est nul. C'est nul, complètement nul. Mais moi, je l'aime. Elle est incroyable. Bon, bien sûr, elle a un peu un physique de quelqu'un qui serait passé entre les mains des chirurgiens de Nick Touk ou plutôt de Michel Mort, vous savez, le Marseillais. Oui. Mais elle est formidable parce que Cayetana, elle est amoureuse. Elle est amoureuse d'Alfonso Díez Carabantes, qui est fonctionnaire au ministère d'État. Ah. Et là, il y a malaise, énorme malaise. Ils ne vont pas pouvoir se marier. Et pourquoi donc ? Les enfants veulent pas. Les enfants de... Les enfants de qui ? Ah ben de la Duchesse d'Albe, ils veulent pas. Ah là là là là. Ils veulent pas. Et alors, tout ça parce que pour eux, le problème, c'est que Cayetana a 82 ans et Alfonso, il en a que 57. On s'en fout. On s'en fout. Mais on s'en fout. Mais ils ont fait pression, les enfants, à tel point que le roi Juan Carlos a appelé la Duchesse d'Albe pour lui dire que c'est fallait pas. Et depuis... carrément, oui. Ah oui, et depuis, Cayetana est complètement déprimée. Elle est désillusionnée. C'est très, très dur pour elle. C'est très dur, un vrai coup de foudre très compliqué. Alors, attention, elle ne va pas changer de nom, mais il y en a d'autres qui, aujourd'hui, vont changer de nom. Alors, dites-nous ça. Les habitants de Ventoux. Ventoux, vous connaissez ? Ventoux ? Le mont Ventoux ? Non, rien à voir. Non, c'est un peu plus au nord. C'est une petite commune à côté de Metz, en Moselle. Et le Républicain Lorrain, il y a quelques jours, nous disait que les habitants, d'ici quelques jours, vont voter pour un changement de nom parce que jusqu'alors, on les appelait les Vandales. Et ça ne passe pas. On n'aime pas les Vandales avant tout. Donc, un vrai problème. Non aux Vandales avant tout. Là où c'est intéressant, c'est que j'ai regardé le nom de l'équipe de foot de Ventoux, l'équipe féminine. Oui. Ça s'appelle les Pipelettes. Donc, ouais, les Pipelettes. Avant tout, on n'aime pas les clichés, mais bon. Les ventouses, oui. Oui, je vois que ça. J'imagine surtout que cette idée de vandale, ça fait encore peur sur ces mouvements de population, ce qui vient de loin. Ça, c'est une belle image des problèmes de la société. Bon, on termine, Philippe, très vite. Le taser, vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Eh bien, ça, pour lutter contre les vandales, c'est ce qui va être le plus utilisé. Mais le taser va très vite être dépassé parce qu'hier, une dépêche de la société de presse nous disait qu'en Californie, un homme est arrêté pour avoir attaqué deux ouvriers à coups de saucisses. Donc, écoutez, dans la course aux armements, on oublie le taser. Je pense que bientôt, c'est la morto automatique ou le cervelas de combat, quoi. Bien joué, Maudit, vous êtes payé à la blague. On y va, Marco. Voilà, fin du 128e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Morja Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archi loufoques et total foutraque, bien sûr. Voilà, Panique au Morja Palace est coécrite avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, c'est Marco Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assistez aujourd'hui à la technique de Jean-Philippe Jeanne et d'Anna Amstam. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast et Yvan Beaujolais. Pour les scuds, on a Thierry Dupin, merci beaucoup. Et aussi Olivier Lefaillère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin aux documentalistes de l'INA. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Olivia Gesbert pour sa propre recette du crumble, en attendant le retour de Chris. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.